Les collaborateurs de Paul bénéficiaient de ses conseils, de ses instructions et de son enseignement biblique. Mais l'apôtre n'a pas toujours pu les garder à ses côtés, surtout lors de son emprisonnement à Rome. Par un moyen ou un autre, il recevait des nouvelles des différentes églises et il avait à cœur de leur écrire pour traiter de leurs problèmes, répondre à diverses questions ou les avertir de certains dangers. Mais comment faire parvenir ces lettres à leur destinataire? À qui pourrait-il confier ces messages si importants? Pour ce service particulier, Paul a fait appel à des compagnons d'œuvre en qui il avait pleine confiance. Ce fut particulièrement le cas pour Tychique et Tite, dont le service chrétien est un vivant exemple pour nous aujourd'hui. Tychique avait été précédemment le compagnon de voyage de l'apôtre Paul, voir Actes chapitre 20, verset 4. Avec les années, il est devenu son fidèle collaborateur. De Rome, Paul l'a envoyé auprès des chrétiens d'Asie mineure et a été le porteur de deux lettres apostoliques, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Mais Tychique n'était pas seulement facteur ou commissionnaire, il était avant tout co-missionnaire dans les grandes entreprises de conquête de l'Évangile. Paul disait de lui « Le bien-aimé frère est fidèle ministre dans le Seigneur. » Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 21. Le témoignage qu'il rend à son sujet dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 7 à 8, est à peu près identique. « Tychique, le frère bien-aimé, fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Que de fois nous avons été édifiés, renouvelés et bénis à la lecture des épîtres aux Éphésiens et Colossiens. Mais si ces écrits sont parvenus aux chrétiens d'Éphèse et de Colosse, et si durant tous les siècles l'Église du Seigneur a été au bénéfice de ce message transcendant, c'est aussi à Tychique que nous le devons. Il a affronté les périls d'un voyage mouvementé. Plus, il a pris sur lui les risques de l'arrestation et de l'emprisonnement, car, ne l'oublions pas, il était porteur d'un message expédié par un prisonnier de César à l'église dans la clandestinité. Mais il s'est acquitté de sa mission avec tant de fidélité qu'à nouveau, Paul fera appel à ses services plus tard. De retour à Rome, Tychique sera désigné pour porter un nouveau message destiné cette fois à Tite, au moment où cet autre collaborateur exercera un ministère dans l'île de Crète. Tite 3, verset 12. Puis, avant son martyre, Paul chargera Tychique de l'ultime mission à Éphèse, 2 Timothée 4, verset 12. Ce qui montre bien que jusqu'au bout, l'apôtre savait qu'il pouvait pleinement compter sur lui. Nous venons de mentionner Tite, un jeune converti grec d'Antioche. Il a, lui aussi, assumé humblement une tâche de commissionnaire. Mais en même temps, il a été le commissionnaire et l'envoyé de Paul dans les situations délicates, le chargé d'affaires des missions difficiles. Le Nouveau Testament nous parle des interventions de Tite au cours de 5 missions distinctes. La première mission à laquelle Tite a été associé fut celle où Paul et Barnabas ont été envoyés d'Antioche à Jérusalem, Actes chapitre 15. Plus tard, Paul rappellera cet événement. « Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. » Galates 2, verset 1. Tite a donc assisté au concile mémorable de l'Église à Jérusalem, où d'un commun accord les chrétiens ont fait barrage aux faux frères qui avaient voulu diviser l'Église. Et Dieu savait que Tite apprendrait beaucoup de cette expérience en vue des missions délicates qui devaient lui être confiées par la suite. Des années se sont écoulées. Alors qu'il séjourne à Éphèse, Paul est informé des graves troubles qui affectent l'Église de Corinthe. Il leur adresse sa première lettre, empreinte à la fois d'affection et de sévérité. Ce message n'est accepté que par une fraction de l'Église. Tite est alors désigné pour se rendre à Corinthe afin d'exhorter les réfractaires et les conduire à la repentance. Lorsque Tite se sera acquitté de sa mission, il devra rejoindre Paul à Troas en Asie mineure. Mais Tite n'est pas présent au rendez-vous. Paul écrit « Lorsque je fus arrivé à Troas, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi je partis pour la Macédoine. » 2 Corinthiens 2, versets 12 et 13. C'est effectivement en Macédoine que Tite a rejoint Paul, lui apportant des nouvelles rassurantes de Corinthe. Depuis notre arrivée en Macédoine, Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. 2 Corinthiens 7, versets 5 à 7. La mission de Tite à Corinthe a donc été fructueuse. Les Corinthiens comprennent le message de Paul, ils se repentent et met en ordre ce qui doit l'être, ce qui console et rassure pleinement l'apôtre. Mais si la plaie est désinfectée, la blessure n'est pas encore cicatrisée. En d'autres termes, L'équilibre des chrétiens demeure fragile et ils ont besoin de soins. Tite est tout désigné pour remplir ce ministère et repartir pour Corinthe. Paul lui confie alors sa deuxième épître aux Corinthiens et écrit à son sujet « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre comme il l'avait commencée. C'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 6, 17 et 23. Les deux missions de Tite à Corinthe sont délicates, mais Tite agit conformément aux instructions de l'apôtre, si bien que Paul peut écrire « N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ?» 2 Corinthiens 12, verset 18. Et Dieu a béni son ministère. Cependant, Tite va encore donner d'autres preuves de consécration et de capacité dans l'œuvre du Seigneur. Paul lui confie une nouvelle mission, cette fois dans l'île de Crète. Il lui écrira, Tite 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Il y a pas mal de choses qui restent à régler dans l'île de Crète où Tite doit désigner des responsables et les enseigner dans les devoirs de leur charge. Mais avec le secours du Seigneur, Tite règle de façon satisfaisante les problèmes en suspens à Corinthe. Paul sait donc qu'il est à même de remplir une mission identique dans l'île de Crète, où les croyants sont à peine sortis des habitudes du paganisme et des habitudes barbares des habitants de l'île. Mais là aussi, le Seigneur prend soin de son Église et emploie son humble serviteur Tite, à qui Paul recommande « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis, exhorte, rappelle-leur. Je veux que tu affirmes ces choses. » Et c'est ainsi que tout au long des trois chapitres de l'Épître à Tite, l'apôtre charge son compagnon d'œuvre d'édifier l'Église sur les fondements de la saine doctrine et dans l'expression d'un christianisme authentique. L'apôtre Paul est lié par des chaînes à Rome, mais son message parvient aux églises de Crète par l'intermédiaire d'un messager fidèle qui marche dans le même esprit, sur les mêmes traces. Une mission à Jérusalem, deux missions à Corinthe, une mission en Crète, ce n'est pas tout. Dans le dernier chapitre rédigé par Paul avant son martyre, il se réfère de nouveau à Tite, le co-missionnaire des missions difficiles. Nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 10. « Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » La Dalmatie, une province de l'actuelle Yougoslavie, où il y a des âmes à sauver. La persécution sous Néron bat son plein, et peu après l'apôtre Paul va affronter son martyre. Qu'importe, l'évangile doit être proclamé, et même s'il le faut, au prix du sacrifice suprême. Si Tite devra lui aussi donner sa vie pour la cause de l'Évangile, ce que nous ignorons, cette cinquième mission aura été la plus difficile de toutes. Chers auditeurs, comment l'œuvre de Jésus-Christ s'accomplit-elle aujourd'hui dans le monde? Par d'innombrables Tichiques et d'innombrables Tites qui s'acquittent fidèlement de leur mission. En nous confiant de petites responsabilités dans son œuvre, le Seigneur nous prépare à en porter de plus grandes. N'a-t-il pas dit lui-même, Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Rien n'est inutile dans notre formation pour son service. Ne nous impatientons pas en voulant éviter les étapes par lesquelles le Seigneur voudrait nous faire passer. Allons au pas du Seigneur et acceptons sa discipline qui fera de nous de vrais disciples. Les exemples de Tichique et de Tite sont là dans le Nouveau Testament pour nous montrer à quel point Dieu fait de grandes choses avec ceux qui sont petits à leurs yeux. Et combien pour lui la fidélité est infiniment plus importante que les capacités. Les grandes conquêtes de l'Évangile dépendent encore aujourd'hui de serviteurs fidèles et humbles auxquels le Seigneur confie des missions précises. Chers auditeurs, que le Seigneur nous trouve prêts à suivre leur exemple.